Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Amma in mata ala al-shirk fa innahu khalidun mukhaladun fin nar. Naam, dans notre dernier dars, on a commencé, walillahi alhamd, la lecture de cette nasiha, cette risala de Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, tawjihat wa nasaih li al-shabab, des conseils pour les jeunes de la communauté. Le premier conseil qu'il a cité, hafidhahullah ta'ala, en se basant sur des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, c'est al-inaya bit tawhid wal aqida. C'est la base du bonheur. C'est la base de notre dîn. Donc, ash-shab, ben l'enfant, la première chose qu'on doit lui enseigner, c'est hadha al-bab wa hadha al-ilm al-azim. Ihfadillah yahfadka. Des masaïls très très simples, fibab al-aqida wa al-tawhid, pour que cet enfant, depuis son plus jeune âge, il grandit, ça devient un jeune homme, comme un homme, un père, un responsable. Et là, son dîn, il est fondé sur hadha al-tawhid. Son cœur, il est imprégné de hadha al-ilm. La yakhaf illallah. Il ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La yatawakkal illa ala Allah. Il place sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Kadalik, ce jeune, il saura que son objectif, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé que pour l'adorer, que pour le tawhid. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Enfin, sa vie, elle sera basée sur le tawhid. Il utilisera ad-dunya pour son dîn. Il ne fera plus passer ad-dunya avant son dîn. Donc son objectif, ça sera l'akhira, l'au-delà. Il utilisera cette dunya comme l'agriculteur, il travaille la terre pour pouvoir profiter de fruits, de légumes, etc. فهكذا العبد المؤمن الصالح. لكن pour cela, il faut avoir des bonnes bases. كما تقدم معنا في التابوكية. Cette vie, c'est un voyage. Ce voyage, tu as besoin de provisions. Tu as besoin de connaître al-tariq. Tu as besoin de beaucoup de choses que l'imam al-Qayyim rahimahullah, il a cité. Telka risala nafi'a. Et la chose principale, c'est العلم والتوحيد والإيمان كما قال عز وجل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى s'englobe tout le bien, tout ce qu'il faut faire, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné comme croyance, comme parole, comme action, tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك التقوى s'englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit comme croyance, comme parole, comme action, on doit s'en écarter. وهذا هو الزاد. Et c'est هذا الزاد, cette provision qu'on doit donner à nos enfants. Bardenes, leur relation avec leur enfant, c'est que sur eux, ou que par rapport à l'mad. Des parents, ils ont de la rahma chaque parent. Des parents normaux, ils ont de la rahma pour leurs enfants. Lakin, la façon de faire, elle diffère par rapport au principe de ce père ou de cette mère. Naam. Enfin, Bardenes, maintenant, ils ont de la inaya pour leur enfant. Lakin, cette provision, c'est que du matériel. Faut que tu aies un diplôme, faut que tu travailles, faut que tu te maries, faut que tu achètes une voiture, faut que ta maison, il faut. Cet enfant, il va faire beaucoup d'efforts pour avoir ces choses. Peut-être qu'il aura ces choses ou il n'aura pas ces choses. Un jour, il mourra. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir ces choses, on le répète. Lakin, ce n'est pas ça l'objectif. Mais si tu éduques ton enfant et tu enseignes à ce jeune, min awwal yawm, anna khayr az-zad c'est taqwa. La voiture, elle arrivera, la maison, elle arrivera, la nourriture, elle arrivera, comme tout le monde. Et même si tu as des manquements dans ces points, ce n'est pas l'essentiel. Tu n'as pas de voiture, tu te déplaceras. Beaucoup de gens, ils n'ont pas de voiture et alhamdoulilah. Hakada, tu n'arrives pas à acheter ta maison, tu auras un toit, tu loueras comme beaucoup de gens ils font. Et alhamdoulilah. Lakin, cet enfant, s'il a had al-zad, had al-aqida, had al-tawhid, had al-din, le jour où il meurt, il est prêt, bi-idhnillah azzawajal. Mais cet enfant qui n'a pas la provision principale, s'il meurt, qu'est-ce qu'il va dire dans sa tombe? Les premières questions qui le seront posées, man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. La voiture, le diplôme, son argent, femme, enfant, qu'est-ce qu'ils vont lui servir? Quelle utilité? Wala shay. Enfin, cet homme, à ce moment, il s'apercevra, annahu khudil. Annahu, il n'avait rien compris. Qui c'est qui a été la cause, annahu, il n'a rien compris? C'est ceux qui l'ont éduqué. C'est pour ça qu'on a une importance. Ils ont de la inaya, la bonne santé. Ça, c'est important. Leurs enfants, ils font attention. Quand il est petit, il ne faut pas qu'il se brûle, il ne faut pas qu'il tombe. Quand il grandit, il ne faut pas qu'il ne prenne de drogue, il ne faut pas qu'il fume, il ne faut pas. Mouhim. Quand il est atteint d'une maladie, ils font tout pour essayer de trouver un remède. Et tout ça, c'est tayyib. Lakin, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que son cœur ne tombe pas malade. Le cœur, il tombe malade avec quoi? Avec le shirk, avec le bid'ah, avec l'ilhad, avec le dhunoub. Le cœur de cet enfant doit le protéger contre le shirk, comme on l'a vu dans le dars précédent. Qui n'associe pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui ne craint pas autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui ne place pas sa confiance en autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Kadhalik, ria, l'ostentation. Kadhalik, nifaq, l'hypocrisie. Kadhalik, les péchés. Kadhalik, les pensées. Iyadun billah, des ennemis de l'islam. La liberté, la fraternité, tout ce qu'elle aime. Si ça rentre dans son cœur, wallahi, même s'il est en bonne santé, il est gravement malade. Belle, si il tombe malade, niveau de son corps, alhamdoulilah, les prophètes, ils sont tombés malades. Ayyub, alayhi salam, il est tombé malade pendant des années. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché par la maladie. Donc, hada, ça passera, même quand il tombe malade. Comment il meurt de cette maladie? On mourra tous. Lakin, si il meurt, et il a cette provision, ma'a, hada l'ilm al-azim, wa hadihi l'aqida al-tayyiba, et la croyance des salafs qui est fondée sur le Coran ou le Sunnah, cet enfant, il aura réussi. Lakin, on dirait le shaitan, comment il harb les musulmans, annahum, il aura changé d'objectif. L'objectif de beaucoup, c'est devenu quoi? D'avoir une famille, d'avoir un diplôme, d'avoir kada. Toute leur vie, ils la passent. Fi hada shay, thumma quand l'ange de la mort, il vient, ils sont pas prêts. Amma notre objectif, nahnu, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ihfadillah, yahfadka. C'est ça l'objectif. Ihfadillah. Adore Allah subhanahu wa ta'ala, suis son messager sallallahu alayhi wa sallam, fais des efforts dans ton deen, Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. ثم قال حفظه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم يوما لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي تحت رعايته لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه بعد موت أبي سلمة رضي الله عنه وكان هذا الغلام يتربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم donc c'était le beau fils du prophète عليه الصلاة والسلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام il s'est marié avec la mère de عمر بن أبي سلمة Aïe, Salama, al-Mu'minin, radiyallahu ta'ala anha. Donc, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupait de cet enfant. C'était son beau-fils, le fils de sa femme. Falamma hadar al-akl, qala lahu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Tarbiyatun, kathalik, fi al-akl, fi al-ta'am, fi al-shurb, comment s'habiller, comment parler, comment manger. Une éducation, c'est important. Donc, les premiers points qu'on a vus dans le premier dars, c'était l'éducation du cœur, la réformation du cœur avec Tawhid et l'Aqida, et كذلك, éduquer cet enfant. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الغلام سم الله, dis Bismillah. Combien de jeunes, ils mangent et disent pas Bismillah? Personne ne leur a montré. C'est devenu une habitude. وَكُلْ بِيَمِينِكَ Regardez autour de vous. Et l'époque où qu'on vit, khasatan fi ba'd al-buldan, les jeunes et les vieux, ils mangent de la main gauche, ils boivent de la main gauche. Quand tu lui dis, en général, alhamdoulillah, c'est des musulmans, ils ne le prennent pas mal, lakin tu vois dans leur regard, c'est devenu une habitude, ils ont complètement oublié. Ba'dhum, ils se sentent mal quand tu lui fais la remarque, il reprend directement de la main droite, et tu vois dans son regard, il s'aperçoit que pendant des années, c'était son hal. Et on vit à une époque, qal, c'est devenu rare. Ceux qui montrent aux autres. Kul biyaminik. Ça, c'est des choses qu'on doit apprendre tout jeune. La preuve, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait aux enfants, il roulait un sammillah. Tu trouves un des personnes âgées, belle, très très âgée, il boit de la main gauche. Pourquoi? Il y en a, quand il était petit, personne lui a montré ça. Il y en a ces choses, le fait de dire bismillah, manger de la main droite, quand tu les apprends très petit, enfant, alhamdulillah, ça reste. Ça devient normal, tu peux plus manger de la main gauche ou boire de la main gauche, c'est pas possible. Limada li anna alhamdulillah awalan, c'est pas permis. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de manger et de boire de la main droite et كذلك لان c'est devenu wallah alhamd dans tes habitudes. Qala wa kul mimma yalik. Kul ma yalik, ay mange devant toi. Éducation aux enfants. dans la nourriture. وهذه توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام. وقال صلى الله عليه وسلم لعموم الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tous les jeunes. Ya ma'ashara al-shabab. Khitabun li jami' al-shabab. Pour tous les jeunes. Celui qui peut se marier, qu'il se marie. Limada. Liana, le mariage, c'est une ni'ma. Et kadalik, c'est une cause pour baisser le regard. C'est une cause pour se préserver, ne pas tomber dans le zina. Combien de jeunes, ils sont tombés dans al-haram, dans le zina et autres. Limada, li anahum, ils ne sont pas mariés. Et à Shaitan, il leur fait croire que pas maintenant. Obadhum, ayyadan billah, ils veulent faire du haram à droite, à gauche avant de se marier. Obadhum, leurs parents, ils les aident pas. Obadhum, ils sont, c'est des hommes pieux, des jeunes pieux, là, qui sont touchés par la pauvreté. Ala kulli hal, celui qui peut, il doit faire attention aux excuses. Kadalik, intashara inda ba'd al-ikhwa al-afadil, qui aiment la sunnah. Anahum, ils ne se marient pas. Pourquoi? Pour étudier la science. Al-Zawaj, c'est pas un obstacle pour l'ilm. Falihad al-ulama, quand ils citent les obstacles, et on a étudié, wallahi alhamd, la risala de Cheikh Abdissalam, rahmatullah alayhi ibn Barjis, sur al-awa'iq, awa'iq talab al-ilm, les obstacles, ils ne citent pas le mariage, abadan. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les jeunes à se marier. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié. Sahaba radiyallahu anhum, ils se sont mariés. C'est pas une cause. Là, la cause qui peut te ralentir sur l'ilm, c'est de te marier avec la mauvaise personne. Naam. Ou de ne plus faire des efforts. Naam. Fa kam min al-shabab al-uzab, des célibataires, et ils font pas d'efforts sur l'ilm. Et combien de jeunes mariés font beaucoup d'efforts sur l'ilm? Ou hakad à l'inverse. Tu as des célibataires, ils font beaucoup d'efforts, et des jeunes mariés ne font pas d'efforts. Enfin, al-mas'ala, c'est pas le mariage. Le mariage, il y a khayr kathir. Khas satan, celui qui se marie avec cette niya. Pour préserver son farj, pour baisser son regard. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fahad alhamdulillah. Wa'alamu anna al-ilm, c'est pas un jour, deux jours. On qadr que marié, tu auras des responsabilités que le célibataire, il n'a pas. Certaines choses, tu pourras pas te consacrer qu'à la science comme le célibataire. Naam, hada, ça arrive. Lakin al-ilm, c'est pas un jour, deux jours. On qadr un jeune marié et un célibataire, ils commencent en même temps l'ilm. Maintenant, le célibataire qui fait que ça, il va réussir à faire en un an certaines choses. Un tête, tu vas mettre un an et deux mois, un an et demi. Alhamdulillah. Tu atteindras le ilm comme lui et tu as une chose en plus, c'est le mariage. Fahmadillah. On fait attention à Shaitan. Il nous repousse, il nous écarte du mariage. Il fait des mauvaises choses. Pourquoi? Il y en a où il n'a pas cette chose qui préserve. Lakin, tu peux avoir un cas, il veut se marier, lakin, il ne peut pas. Imma, il ne trouve pas. Imma, il n'a pas les capacités financières pour assumer une épouse. Il a akhiré. Fahada, qal nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa'alayhi bisson. Tu as toujours la solution dans notre deen. L'azib, c'est la peur pour son nefs. Il y a son. Pourquoi? Parce que le siyam, ça éteint al-shahwa. Et tastafid min hadan, le fait de beaucoup manger, beaucoup dormir, ça augmente la shahwa. Et hadan shab, il pense beaucoup à ces choses. Al-sawm bi-idhnillah azzawajal, c'est un ilaj. Qala fa'amara al-shabab bi-hifdhi furujihim imma bil-zawaj in istata'u wa imma bi-ittikhad ma yud'ifu al-shahwa ويقللها وهو الصيام خوفا عليهم من الوقوع في الفتنة وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé les jeunes, لماذا? Pour que ces jeunes ne tombent pas dans la fitna. واعلم أن الشباب يخاف عليهم من فتنتين عظيمتين. أن les jeunes, وهكذا autre que les jeunes, لكن les jeunes encore plus, ils sont exposés à deux fitnes. La première, fitnatu ash-shubuhat. Fitnatu ash-shubuhat. Et les ambiguïtés. Les fitnes qui sont liées à certains principes, certaines croyances, certaines sectes, certains groupes égarés. Ila akhiri. Hadhihi al-fitna tudfa' bi-idhnillahi 'azza wa jalla bil-'ilm an-nafi'. Cette fitna, tu la repousses. Et pour préserver ces jeunes, on doit leur enseigner al-ilm an-nafi', al-Qur'an wa sunnah. Khassatan aqidat al-salaf wa tawhid. Et des bases fi manhaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi radiyallahu anhum. Et c'est ce qu'on a vu dans le dars précédent. Ihfadillah yahfadka. Yahfadka min hadhihi al-fitan. Combien de jeunes ils sont tombés dans ces fitan? Et c'était des jeunes qui aimaient le bien, qui étaient sur le bien. Thumma, iyadan billah, ils ont suivi des égarés. Emma de l'exagération, comme on verra dans cette risale-là, Inch'Allah ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, il a beaucoup conseillé via Dalbab. Des jeunes, mathalan, qui ont rejoint Daesh et d'autres groupes égarés. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Leur fougue et certaines ambiguïtés, khassatan concernant les gouverneurs musulmans, et ils ont cru que la voie du salut, c'était leur jihad. Leur jihad, qui n'est pas fi sabilillah, abadan. Daesh, la yujahidun fi sabilillah. Yujahidun fi sabil iblis. Ils suivent leur passion, ils font beaucoup de mal, ils n'écoutent pas de nasa'ih. Enfin, tu trouves certains jeunes, ils ont rejoint ha'oula. L'imada, l'ignorance. L'ignorance et le manque d'éducation. Ce jeune, personne ne lui montre. Il aime la vérité. Et beaucoup de jeunes, walillah alhamd, ils ont des principes. Ils aiment les croyants, ils détestent les koufars. Hada sa tayyib. Lakin, il faut que ça soit canalisé. Il faut que ça soit fondé sur la science. Hatta cette haine envers les koufars ne se transforme pas en injustice. Thumma, accuser des musulmans d'être des koufars. Et huna al-bala. Enfin, ce jeune, il est livré à lui-même. Et avec ses principes qu'il a, il a que son téléphone, internet. Un jour, il tombe sur Wahid, il lui fait croire que les gouverneurs, c'est des koufars, que les croyants, ils sont égarés, que et il finit avec un groupe égaré. Yidam billah. La deuxième fitna, la première fitna, on la détaillera, inshallah dans cette risale-là. La deuxième fitna, c'est fitna tu shahawat. Et, هذه الفتنة تدفع بالزواج وبالصيام وبالحلال. Et, الدليل, c'est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, la fitna qui est liée aux femmes, à la fornication, l'adultère et la akhira. Ça, c'est une fitna azim. Enfin, beaucoup de jeunes, ils sont tombés dans la première fitna ou dans la deuxième. والله المستعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde contre les deux fitna. Et il a conseillé les jeunes pour se préserver de ces deux fitna. فنحن, nos jeunes, nos enfants, on doit les conseiller, on doit tout faire pour les préserver de tomber dans ces deux fitna. قال فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشباب إلى أن تقوم الساعة يجب عليهم أن يتمسكوا بها. Et pour que ces jeunes, ils s'accrochent et ils appliquent ce conseil, ils doivent le connaître. Et on doit essayer d'être la cause pour leur enseigner mitla hadhihi at-tawjih. Beaucoup de jeunes, wallahi alhamdoulillah, la plupart des jeunes musulmans, ils aiment la vérité, ils aiment la religion. Même s'ils ont des faiblesses, ils admettent. Lakin, il y a un gros problème fi at-tawjih. Il y a un gros manquement dans le conseil. Et si c'est pas Ahlul Haqq qui les conseille, ils se feront conseiller par Ahl al-Dalal. Rubama, ils les sortent. Mina al-Ma'siya pour le bid'a. Et leur cas, il devient encore plus grave. Comme taqaddam ma'ana dans notre dars sur Jama'at al-Tabligh. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, min as-sab'ati alladhina yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, shabun nasha'a fi ibadatillah. Parmi les sept qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyamah. Na'am. يظلهم الله في ظله. الصحيح c'est que c'est une ombre que Allah subhanahu wa ta'ala il créera يوم القيامة. Et cette catégorie de personnes ils seront sous cette ombre. لماذا لأن يوم القيامة le soleil sera très très proche. Ça sera un jour très très difficile. Enfin, ces sept catégories seront sous cette ombre préservées. Parmi eux, شاب نشأ في عبادة الله. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ إذا نشأ على عبادة الله عز وجل ولم تأخذه طفرة الشباب ونزوة الشباب إلى المعاصي. أي نزوة الشباب أي التهور وتقالبات الشباب. الشباب ils ont les jeunes, ils ont une fougue, ils sont instables, ils sont beaucoup attirés par certaines mauvaises choses. Enfin, si ce jeune il est préservé de هذا et il fait des efforts. Pourtant, l'âme du jeune, elle est attirée par ces choses. S'il fait des efforts et il apprend l'ilm, il met en application, il fait des efforts pour rester au masjid, pour lire le Coran, Et كذلك من رحمة الله عز وجل أن السجان il peut se marier, il peut avoir des enfants, ولله الحمد. هذا il sera sous l'ombre d'Allah سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال بل تغلب على ذلك طاعة لله فإنه ينال هذه الكرامة يوم القيامة بأن يظله الله عز وجل في ظله يوم الحر الشديد والشمس القريبة من الرؤوس يوم العرق يظل الله فئاما من الناس في ظله ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. نعم الحديث إلى صحيح. وفي الحديث الآخر عجب ربك من شاب ليس له صبوة. هذا الحديث فيه ضعف. Dans la chaîne de transmission, Ibn Lahia et العلماء اختلفوا يا الصحيح c'est que son hadith il est ضعيف. على كل حال كثير من أهل العلم ils ont ضعف ce hadith. قال يعني تغلب على شبابه وعلى نزواته وعلى ما يعتري بعض الشباب. أي الله سبحانه وتعالى يتعجب من شاب ليس له صبوة. صبوة أي une attirance vers le haram etc. Et تقدم معنا dans les دروس de العقيدة أن صفة العجب أو التعجب لثابتة لله عز وجل avec d'autres حديث et d'autres preuves. قال نعم ما يعتري بعض الشباب تغلب على ذلك تغلب على ذلك طاعة لله عز وجل فالله يعجب منه لأنه امتاز بميزة عظيمة ومعنى ذلك أن الله عز وجل يكرمه ويحفظه في الدنيا. نعم لا شك هذا أن si ce jeune il fait des efforts il ne suit pas la masse encore plus à notre époque beaucoup de jeunes ils sont attirés par le haram par le sport par الدنيا par المادة. Et beaucoup d'eux sont négligents envers leur dîn. Ils sont insouciants, ils sont très très loin du ilm et de la mise en application. Si un jeune à notre époque, il s'accroche à son dîn, il fait des efforts, il fait des sacrifices, il patiente. هذا il est à la khayr azim. Et هذا il fait attention à notre fitna. On répète. Il y en a بعض الشباب, ils se sont écartés du haram, ولله الحمد. Ils détestent le haram. لكن leur fougue, leur jalousie, leur ghayra, كذلك leur haine envers le mal et envers les kuffar et envers les péchés, ça les pousse à basculer dans l'extrémisme à cause de l'ignorance. Enfin, on répète, les jeunes, ils ont besoin d'être conseillés. Il faut canaliser cette motivation avec l'ilm ou l'amal bis-sunnah. قال فإذا عبدت الله وتقربت إليه في حال الرخاء ووقعت في أو قبل ذلك أنا قالوا نعم أنا أبلي فخاز وقوله انظر إلى قوله لابن عباس رضي الله عنهما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فإذا عبدت الله وتقربت إليه في حال الرخاء ووقعت في شدة وكرب أو كرب فإن الله جل وعلا ينقذك من هذا الضيق وهذه الشدة. سي الشاب يفدي زفوخ et il adore Allah subhanahu wa ta'ala fil-racha, et quand tout va bien, walillahi alhamd, quand il n'est pas éprouvé, il n'oublie pas al-rabb, le créateur subhanahu wa ta'ala. Fahala, s'il est touché par une épreuve, fa-Allah subhanahu wa ta'ala, il le secourt, il lui facilite. Qala wa min huna yajib ala al-aba an yurabbu awladahum, fa-shab la yasluhu illa bi-asbab, wa a'zamu al-asbab, on a compris tout cela, walillahi alhamd, le premier dars et kadalik le début du deuxième. On a compris un point important, ces jeunes et ces enfants, ils doivent être éduqués. لماذا كما قال فالشاب لا يصلح إلا بأسباب. Pour que ce jeune, il délaisse ses passions, il fasse des efforts dans l'ilm, kadalik la mise en application, il s'écarte du haram. Et il ne suit pas la vague. Enfin, il faut faire des causes. Ben, il faut faire des énormes causes. Et encore plus à notre époque. Les Anna, on vit à une époque où le haram, c'est devenu très très simple. Que ce soit l'argent haram, que ce soit zina, tout ce qui est lié à zina, à la fornication, l'adultère, que ce soit kadalik al-madda, al-dunya. Al-dunya, maintenant, c'est devenu très très facile. Contrairement à l'époque. À l'époque, مثلاً, celui qui voulait faire zina, c'était pas simple. Ou celui qui voulait regarder le haram, c'était pas simple. les générations précédentes. À notre époque, les portes, elles se sont ouvertes. Enfin, là, on doit redoubler d'efforts pour fermer ces portes de mal. Fermer هذه الابواب ابواب الفتنه. Parmi ces causes, la première, التربيه الصالحه. Donner une bonne éducation à cet enfant. Avant que ça devienne un jeune, il faut l'éduquer. Quand il est petit. L'imad, il y a une énorme différence entre un enfant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10, 11, 12 ans. Thumma, quand ça devient un jeune. Quand ça devient un jeune, s'il n'a pas une bonne éducation, il va sortir. Il va sortir, il va apprendre des choses. Tu ne pourras pas enfermer ton enfant toujours. Voilà. Ça, c'est marouf. Bardelnes, ils sont firov là. Ils ont délaissé leurs enfants. Et quand ils sont petits, c'est assez simple. Il aura un mauvais comportement à la maison. Thumma, à notre époque, il leur donne un téléphone ou une tablette et ça s'arrête là. Lakin, cet enfant, il va grandir. Un jour, il va poser ce téléphone. Il va vouloir le sien. Le sien, il va aller le chercher dehors. Comment il va le chercher? Allahu alam. Thumma, quand il aura ce téléphone, il va avoir des contacts. Thumma, un jour, certains parents, ils sont étonnés. Il m'a prison, il m'a hôpital. Emma, il faut aller le voir à la morgue. Au moins, ils se sentent responsables et ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu khalal huna. Il y a eu un manquement dans cette étape. Quand il est petit, l'enfant, il écoute. L'enfant, au départ, il écoute. L'enfant, il est éduqué, ou plutôt son cœur, il accepte ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'est pour ça que les parents, c'est une force d'éduquer son enfant au départ. Qala, fayajibu ala al-aba an yurabbu abna'ahum ala ta'atillah. وينشئهم عليها حتى يكبروا عليها ويألفوها ويألفوها. نعم, ça c'est important. Éduquer nos enfants à la ta'atillah. Avoir comme base, comme source, comme référence le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ويأخذوا بها. نعم, et si on les éduque à la hada depuis leur plus jeune âge, فكما قال الشيخ حفظه الله ويألفوها, ils vont avoir une habitude, ça va être plus simple pour eux d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن الإنسان il est comme ça, quand il s'habitue à une chose, ça devient très facile. Prends l'exemple de la salat. Si cet enfant depuis le départ, ses enfants atanaoubi, si c'est un garçon, ils vont majid avec son père, si c'est une fille, elle fait salat avec sa mère, il a arrêté. Cet enfant est grandi, il fait salat très simplement. Tu prends un autre jeune, au départ, tu lui dis de faire salat, c'est très très compliqué pour lui. L'imam, il n'a pas l'habitude. « Wa hakada al-hijab pour les filles, wa hakada jami'a al-ta'at. »« Qala amma idha ahmalouhum, nasha'u ala al-ghafla wa ala nazwati al-shabab, fayadhi'u fil mujtama' wa lihada kana min da'wati al-anbiya alayhi salatu salam, annahum yad'ouna li awladihim wa dhurriyatihim. » Amma si on les laisse, ils sont livrés à eux-mêmes, فكما قال الشيخ فيضيعوا في المجتمع. Ils vont se perdre au milieu de la société. بعضهم finissent avec des drogués, بعضهم finissent avec des kuffars, بعضهم finissent avec des délinquants, بعضهم عياذا بالله ils pensent qu'à al-madda. Certains enfants, certains jeunes, à la base c'était des musulmans, leurs parents c'était des musulmans, c'est devenu des athées. Pourquoi? ضاعوا في المجتمع. Encore plus ceux qui vivent عند الكفار. لأن المجتمع المسلم il y a certaines limites. L'enfant, il peut, le jeune, il peut grandir et peut-être ça finit un voleur ou un fumeur ou un drogué. Ça arrive حتى في المجتمعات الإسلامية. لكن في المجتمع المسلم il y aura certaines limites. Certaines limites. مثلا ولله الحمد, la plupart des jeunes, même s'ils font ces ma'asi, يؤمنون بالله. Et ils donnent de l'importance au din. Et أحيانا ils vont au masjid, même malgré leur faiblesse. Ils font siyam, etc. لكن الضياع عند الكفار, wallahi, ça peut dépasser des limites que tu ne peux même pas t'imaginer. Certains, leurs enfants, c'est devenu des athées, comme Ataqaddam. D'autres, leurs enfants, c'est devenu des homosexuels, iyadam billah. D'autres, leurs enfants, ils combattent l'islam avec afkar al-kuffar. Et le père et la mère, c'est des musulmans. Ah là, c'est très très difficile. Là, la responsabilité, elle revient à qui? Elle revient aux parents. C'est eux qui ont laissé cet enfant yadir se perdre dans cette société, encore plus si c'est des kafara. قال ولهذا كان من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون لأولادهم وذرياتهم. Et ça c'est la principale cause, الدعاء. C'est pour ça que les prophètes et les messagers, ils faisaient عليهم الصلاة والسلام des invocations pour leurs enfants. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل رب اجعلني رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فتأمل هذا الدعاء مع أنه سنبي. Et dans l'autre verset, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Il a fait du'a pour lui et pour ses enfants qu'il n'adore pas des idoles. Pourtant lui, ses enfants, Ismaïl ou Ishaq, c'étaient tous des prophètes. Malgré cela, il a fait un du'a pour que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve d'adorer les idoles. Est-ce que nous avons fait des invocations pour nos enfants qu'Allah il les préserve de tomber dans le shirk? Alors que on vit dans un mujtama' et on a des faiblesses, on est exposé à hada matin au soir. Bien sûr, ceux qui vivent عند الكفره, mais ceux qui vivent عند المسلمين, فالحمدلله الخير il est, bien sûr, il est beaucoup plus, c'est incomparable. وقال زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هؤلاء demandaient الذرية الطيبة. فلهذا قال الشيخ لم يقل هب لي من لدنك ذرية فقط وسكت, بل قال طيبة لأن الذرية الطيبة هي الذرية الحقيقية. Il demandait une descendance pieuse. Et كذلك, il faisait des efforts. Tu as deux choses. Tu as la principale cause, fais le dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide tes enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. La deuxième chose, faire des efforts. فالأنبياء, ils faisaient le dua et ils ont éduqué leurs enfants. ثم الهداية, c'est بيدالله عز وجل. الهداية, c'est بيدالله عز وجل. C'est pour ça que certains membres des familles des prophètes alayhim salatu wassalam, ils n'ont pas accepté la vérité. Et kafaru, tu as certains exemples dans le Coran. Le père d'Ibrahim, certains enfants de certains prophètes, le fils de Nuh, la certaines femmes de certains prophètes, il a akhir. Ça nous montre quoi? On doit faire du'a. On fait les causes. Thumma al-hidayah, c'est biyadillah azza wa jalla. Même si cet enfant il écoute pas, on a fait les causes et on a rempli nos responsabilités. Fayoum al-qiyama, c'est lui le fautif. Amma, celui qui ne fait pas les causes, il a une part de responsabilité. قال الشيخ حفظه الله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا بعد موته وفي حال هرمه وكبره يبر به ويخدمه ولده الذي رباه ويدعو له. هذا سينتبه أن cet enfant, si tu donnes du temps, كذلك أنت ستستفيد. Cet enfant va profiter si c'est un enfant pieux et si ça devient un jeune pieux. Et كذلك أنت en tant que père ou أنتي en tant que mère, tu profiteras. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. Cet enfant il fera des invocations pour toi. Et كذلك cet enfant quand il grandira, il t'aidera. Il t'aidera, il fera beaucoup de bien, des cadeaux, des bonnes paroles, il t'aidera, il a akhir. Hada, c'est le fruit de هذه التربية, de cette éducation. قال حفظه الله, قال الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يدعو لهم بسبب التربية الصالحة التي نشأته على الخير. Pour que cet enfant devienne comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité أنه il a de la rahma envers ses parents, il fait du dua pour eux, il les aide, il a akhir. Il faut qu'on les éduque pour qu'ils deviennent comme ça. Mais si on laisse les jeux vidéo les éduquer, on laisse les chanteurs les éduquer, on laisse la rue les éduquer, cet enfant il se comportera avec toi comme Haoulal Mujrimine se comporte. De la dureté, des insultes, des mauvaises paroles, pas d'aide. Et Obama un jour il part, tu ne sais même plus où qu'il est. Ayyadan Bilal. Limadha li annahu, il a été éduqué par des Mujrimine. Voilà. Mais si on les éduque avec Kalamillahi Azza wa Jal, cet enfant, bi'idnillah Azza wa Jal, il aura ce comportement. Qala يدعو لهم بسبب التربية الصالحة التي نشأته على الخير وسببا في سعادته فيقابل إحسانهم بالإحسان. Cet enfant, s'il est bien éduqué et Allah subhanahu wa ta'ala il le guide, il va répondre à إحسان والديه, le bien que ses parents ils ont fait pour lui, tous ses sacrifices, tout ce temps, toutes ses dépenses. Cet enfant, s'il est bien éduqué, il n'oubliera pas. Même s'il a certaines faiblesses, il n'oubliera pas l'إحسان. C'est pour ça que les enfants qui sont éduqués à la Coran ou au Sunna, ils donnent beaucoup d'importance aux parents. Ils connaissent Manzilat al-Walidain. Et ceux qui sont éduqués par la rue ou par des mujrimines, ils donnent de l'importance à quoi? Al mad. Ils donnent de l'importance à l'argent, à leur voiture. Il a akhir, au haram. Et les parents, masakin. Lakin, certains parents, ils ont une responsabilité, il n'y a aucun doute. L'imam al-Yanahoum, ils ont délaissé leurs enfants livrés à eux-mêmes. قال ومن هنا تجب العناية بالأولاد فإن الرجل إذا أراد الزواج يختار المرأة الصالحة التي من فوائدها أنها تربي الأولاد على الخير إذا كانت صالحة لأنها موضع البذر والنسل فيختار الزوجة الصالحة ثم الشيخ حفظه الله تعالى il a cité des étapes importantes dans l'éducation et la première étape c'est le fait de choisir une mère pieuse pour que cet enfant il devienne pieux. Les mains d'Aliana, tous ces conseils ils seront applicables si les parents y font. Maintenant, on cite souvent que l'enfant il doit apprendre Tawhid, il doit apprendre l'Aqida, il doit apprendre Salah. Mais si les parents ne font pas ces choses, c'est min al-mustahil. Illa ayyasha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il guide cet enfant à un autre île du monde. C'est déjà arrivé. Maintenant, certains croyants, leurs parents c'est des koufars et ils ont appris le din vers d'autres. Lakin, si on revient à l'éducation, pour que cet enfant il profite de cette éducation, il faut que les parents, ils soient comme cela. C'est pour ça que la première étape, c'est que cet homme qui veut du bien, il choisisse une femme bien. Mar'atun saliha, qui a les mêmes principes que lui. Fait tamassouk bil kitab wa sunnah, thumma éduquer cet enfant. Amma, se marier hakada, sans ses principes, ce couple il est fondé sur rien. On m'a demandé à cette femme d'éduquer un enfant pieux. هذا لا. قال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه لا تنظر إلى الجمال وحده نصائح من ذهب. Ce genre de conseils sont très très importants pour الشاب. لأن ce jeune s'il est motivé voudra se marier pour se préserver إلى آخره. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé kadhalik, ceux qui veulent se marier. Et en général, ceux qui se marient, ils sont jeunes. Fatunkah, la femme, en général, pourquoi l'homme, il veut l'épouser pour hadhihi al-arba', pour quatre choses. Al-mal, les maliha, imma elle a de l'argent. Li hasabiha, imma elle a une famille de haut rang. Ou li jamaliha, imma sa beauté. Ou li diniha, ou pour son dîn. Et ça ne veut pas dire que ces quatre choses, c'est contradictoire. Là. La femme, elle peut être jamila, elle peut avoir de l'argent, et elle peut faire partie d'une bonne famille, et walilhamd, elle aime le dîn et elle applique son dîn. Ça ne veut pas dire que c'est contradictoire. Lakin, ahyanan, la femme, elle n'a pas ces quatre choses, elle a une de ces quatre choses. Fahdhar, surtout, al-jamal, la beauté. Falihada qal, la tandur ila al-jamal wahda, ne regarde pas que la beauté. Ça ne veut pas dire que le jeune ne doit pas chercher la beauté, là. Lakin, s'il y a la beauté, il n'y a pas de dîn, fais attention. Fais attention. Là, fais des efforts et tu trouveras, walillahi alhamd, une femme qui aime le dîn, qui accroche à son dîn, et kadhalik, qui te plaît. Qala, la tantur ila al-jamal wahda, wala ila al-mal, wala ila al-hasab, wal-manzila inda al-nas, walakin anzur ila al-dîn. On doit mettre notre priorité à dîn. Sans négliger, bien sûr, surtout la beauté. أما المنزلة والمال هذا سهل لكن لم شكم الله سبحانه وتعالى إلى كخي لزوم هكذا أنه يرتاح يرتاح et il se marie si sa femme elle lui plaît donc هذا ça contredit pas le din لكن fais attention que la beauté elle ne te pousse pas à délaisser une femme qui a du din il y en a beaucoup de femmes elles ont cette beauté, lakin elles sont très très loin de leur dîn. Fahdhar. Fahdhar. Qala li anna ad-din yajma' al-khayr kullah. Li anna ad-din ça rassemble tout le bien. Qala amma ghayru ad-din faqad yahmilu al-mar'a 'ala ma la tuhmad 'uqbah. Jamaluha faqad yughri biha wal-mal qad yutghiha wal-hasab tatakabbar bihi 'ala ar-rajul. N'oublie pas hada. Anna cette beauté. Tu vas te marier avec cette femme, thumma un jour, deux jours, une semaine, un mois ila akhirah, thumma les problèmes ils commenceront. ربما كما قال الشيخ جمالها قد يغري بها ربما sa beauté elle te prend de haut et elle ne te respecte pas il a akhiri لماذا لانها elle sait que انت tu l'as choisi pour هذا فاحذر قال والمال قد يطغيها et si tu l'as choisi que pour l'argent, ربما elle va te manipuler avec son argent. Et كذلك elle va te prendre de haut. لأنها c'est elle qui paye telle chose, c'est elle qui achète telle chose. وهكذا الحسب تتكبر. هكذا si elle vient d'une famille aisée, d'une famille de haut rang, إلى آخره تتكبر. L'orgueil, إلى آخره. قال أما صاحبة الدين فإنها لا يأتي منها إلا خير. فإذا رزق منها بذرية صالحة فإنها توجههم وتربيهم على الخير. أما بعض النساء cette beauté elle lui prend tout son temps. بعض الرجال ils ont des enfants avec des femmes, elles s'occupent que de leur physique. L'enfant Obama il a pas mangé, il est sale, il crie et elle est enfermée et elle s'occupe de son physique. هذا الرجل يpatientera pas. كذلك بعض النساء شغلهم الشاغل à notre époque c'est que le téléphone. Le mari, il a besoin de certaines choses. Les enfants, ils ont besoin de certaines choses. Et elle, la femme, elle doit bien connaître, elle doit bien savoir, si elle se marie avec un frère qui suit le Coran ou le Sunna, elle doit connaître sa place. La place de la femme, c'est le bait et elle doit s'occuper. Et l'homme, il s'occupe de l'extérieur. Hakada, hakada le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Bah, si cette femme, elle remplit plus son objectif, et à notre époque, que le téléphone, des messages, des appels, il a akhira, ça créera des tensions. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas mariés, fais attention au départ. Fais attention au départ. Une femme qui pense qu'à son physique, qui pense qu'à l'argent, qui pense qu'à sortir, qui pense qu'aux vacances, ça te fera beaucoup de mal. L'imam Ali Anna, la vie, c'est pas comme ça. Tu ne peux pas toujours sortir, tu ne peux pas toujours acheter, tu ne peux pas toujours consommer. Là, la vie de couple, en général, le couple, Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuquhum des awlad, il faut que chacun y soit à sa place. Et là, ça fera des tensions. Pourquoi? Au départ, les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont négligés. Et cette négligence, elle fait beaucoup de mal à beaucoup de jeunes. Qala, ou hada, va'ad. Inch'Allah ta'ala, naktafi bi hada, li'annahu dhahab al-waqt. Et on passe à la troisième partie, la lecture de la fatwa, inch'Allah ta'ala. Wallah al-musta'an.